arriver. La la la. Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression on CHRY 105.5 FM. My name is Metzer. I'll be with you until the end of the hour, playing some French language punk, ska, and hardcore. And today, I got something special lined up for you. I got an interview with L'Équipe, the Montreal punk rock band who recently released an EP called the Déclaré Forfait, which is available free and online. And hopefully, if everything works out fine, I'll be asking them what motivated them to, you know, spread their music to the masses freely online. So stay tuned for that. It's going to be a great show. We'll be right back. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, vous nous écoutez aux ondes du CIVR 103.5 FM. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé l'émission avec du Zabriskie Point, la chanson incolore et délavée de leur album. C'est plutôt une discographie de 4 volumes de tout ce qu'ils ont fait, qui s'appelle Tout ce qu'on a fait. Ça vaut la peine de vous le procurer si vous pouvez. Et alors, en parlant de choses qui valent la peine de vous procurer ou d'écouter, on a une émission spéciale aujourd'hui de pleine fée. On devrait avoir, si tout se déroule bien, l'équipe, ou en tout cas un membre, Félix, de l'équipe, le groupe de punk rock qui vient de Montréal, aussi peut-être de Rouyn-Noranda, si je ne me trompe pas, qui vient de sortir un nouveau EP déclaré forfait récemment et va être avec nous pour nous parler un peu du groupe et de leur nouveau EP. Alors, restez à l'écoute pour ça, ça devrait venir dans 15-20 minutes. Mais en attendant, je vais faire jouer, mettre un peu dans le mood de pour l'entrevue. Je vais faire jouer une chanson par les Prostitutes parce que le groupe, l'équipe, est composé de membres de plusieurs groupes, incluant les Prostitutes aussi, Bonne Journée et les Sprats. Alors, je vais faire jouer une chanson par les Prostitutes de leur album Sexe en stéréo. La chanson Je suis un teenage zombie de Outer Space Baby. Alors, voici les Prostitutes ici à Sous Pression. I'm voice of the community. This is CHRY 105.5 FM. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, vous nous écoutez au 103.5 FM CVR. Et avec moi en ligne en ce moment, c'est Félix de l'équipe. Félix, es-tu là? Oui, je suis là. Ah, super, ça marche. J'ai toujours un petit moment de panique là, avec voir si ça marche dans les téléphones et des entrevues en direct. Pour commencer, je figure, pourrais-tu te présenter, peut-être présenter les autres membres du groupe qui sont pas là? Oui. Je suis tout seul dans le téléphone, Félix Desfossés. Je suis chanteur et guitariste de l'équipe. C'est un groupe de punk rock. On habite à Montréal, mais on vient presque tous d'Abitibi, au Québec. Les autres membres du groupe, il y a Christian Martin qui joue de la bass et qui se spécialise surtout dans les back vocals. Mais tout le monde chante dans l'équipe, fait qu'on peut considérer qu'il chante aussi. Jean-François Gibson qui joue de la batterie, qui chante. Israël Trudel-Denis qui joue de la guitare puis qui chante. Puis Vincent Larouche qui joue de la guitare puis qui chante. Fait qu'on est trois guitaristes puis tout le monde chante. C'est une bonne gang. Trois guitaristes, quand même impressionnant. L'équipe, comme c'est ceux qui connaissent peut-être le groupe ou qui ne connaissent peut-être pas, le savent peut-être, c'est l'équipe est composée de plusieurs membres qui font partie aussi de d'autres groupes. Pourrais-tu nous dire, peut-être les présenter ces autres groupes-là et nous dire comment vous vous êtes venus pour vous rassembler? Oui, ben oui, exactement. En fait, l'équipe, on a aussi un autre petit nom qui est comme l'équipe méga fiable. Fait que dans le fond, tous les membres de l'équipe jouent aussi dans d'autres groupes de l'étiquette méga fiable, qui est un peu notre label à nous autres, tu sais. Fait que moi, Christian puis Jean-François Gibson, on fait partie des Prostiputes. Les Prostiputes, c'est un groupe de rock'n'roll. Le groupe est plus actif présentement, justement parce qu'on est concentré sur l'équipe. Mais on a joué quand même dans les Prostiputes pendant 10 ans ensemble, ce qui est quand même une bonne partie de nos vies. Puis après ça, il y a des Vincent Vinch à guitare, puis Israël, eux autres, ils viennent du groupe Bonne Journée, qu'on a entendu juste avant, avec la chanson Benoît Boirier, ou 70% sûr, je pense. Ouais. Et puis, Jeff Gibson, le drummer, fait aussi partie des Sprats, qui est des groupes punk les plus mythiques à Rouyn-Noranda, d'où on vient. Puis, il fait aussi partie du groupe Jambes, qui est un nouveau projet punk rock qui vient juste de commencer à peine. OK, comment vous êtes venu pour vous rassembler et former l'équipe? Oui, ben c'est parce que en fait, je dirais, tout ça a commencé vers la fin du dernier moment des Prostiputes, là, quand on était encore actifs. C'est-à-dire que moi, Jean et Christian, on avait le goût de s'en aller vers le punk rock. À ce moment-là, on avait un guitariste avec nous autres qui s'appelle Éric Duchesne, qui est vraiment un fille de bon guitariste. Puis lui, il vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il a décidé de retourner dans sa région. Fait que là, voyant qu'on manquait un guitariste, on a demandé à Vinch de Bonne Journée de venir jouer avec nous autres. Et puis, Vinch, un excellent guitariste punk rock, on savait que ce serait parfait pour s'en aller vers ce son-là. Puis, à un moment donné, quand il est venu le temps d'aller faire un show à Val-d'Or l'été passé, Vince, lui, s'en allait en vacances. Fait que là, on a fait, bon, on est obligé de se trouver encore un autre guitariste pour ce show-là. Fait qu'on a demandé à Israël, de Bonne Journée, de venir jouer avec nous autres. Fait que le temps que Vince monte ses parts de guide à Israël, ben, on a fait des jams à trois guitaristes. On a commencé à faire comme, wow, man, ça marche, là, trois guitares ensemble. Il y a vraiment quelque chose à faire. Fait qu'en montant à Val-d'Or, on a fait comme, on a commencé à se poser la question, on a commencé à niaiser. Dans le fond, on est comme un peu l'équipe All-Star de Méga Fiable. On est comme, on disait ça un peu comme en joke, tu sais. Fait qu'on a fait crime, on pourrait être l'équipe, puis faire un band de punk rock à trois guitares, qui serait comme la suite, l'évolution des Prostiputes et de Bonne Journée, surtout, qui sont, dans le fond, deux groupes, qui étaient à ce moment-là les deux principaux groupes de Méga Fiable. Fait que c'était un peu comme la rencontre de ces deux groupes-là, finalement. Ah, super. Alors, vous connaissez depuis assez un certain temps, là? Ah oui, au moins 10 ans. Oui, penses-tu que ça l'a aidé le fait que vous vous connaissez depuis longtemps, ça l'a aidé que l'équipe vienne ensemble puis que produise quelque chose de merveilleux? Ah, vraiment, vraiment, c'est sûr que ça a aidé parce que, tu vois, j'ai joué dans d'autres groupes dans ma vie, puis j'ai pris la décision que je voulais jouer de la musique avec des chums avant tout parce que... Je pense que bon, il n'y a jamais personne dans scène punk rock qui va réussir à vivre de sa musique, surtout au Québec. Là, je veux dire, le plus gros groupe de punk rock c'est de Saint Catherine's, puis Saint Catherine's ils vivent pas juste de leur musique. Fait que je pense que c'est clair que nous autres, on a décidé de choisir la musique comme un hobby, un passe-temps à côté. Puis quelque part, je me suis dit moi, je veux me faire du fun quand je joue de la musique. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les gars de l'équipe. On a décidé que c'était bien plus le fun de jouer avec des chums, avec du monde avec qui on s'entend bien, que plutôt que d'essayer de prendre okay, je connais ce gars-là, il est super bon à Git, mais il a une personnalité que je m'entends pas bien avec. Fait qu'on a fait comme les amis en premier, puis je pense que c'est cette cette énergie-là qui passe le plus. Oui. Et c'est ce que c'est, comme tu viens de mentionner, tu venais tout de l'Abitibi ou Rouyn-Noranda, est-ce que le fait de venir d'une petite ville, ça forçait un peu les groupes de prendre n'importe qui? Tu cherches un bassiste, tu connais ton voisin. Exactement. Tu fais comme, tu t'entends parler d'un gars, tu fais comme, il se posait que ce gars-là aime le punk rock. Il y a comme pas, à l'époque, quand nous autres, on était jeunes, le punk rock était bien en mode, mais je pense que ça l'est moins. Puis là, tu fais comme, c'est quand même comme ça qu'on se rassemblait, qu'on se reconnaissait. On faisait, hey, check, lui, il fait du skate, tu sais. Fait que là, on allait voir, être juste de la musique, tu sais. C'est un peu le même, finalement, que qu'on s'est rencontrés, tout le monde, soit dans des parties, ou etc., ou à l'école, tu sais. À un moment donné, quand t'es au secondaire, tu fais comme, tu check autour, puis tu fais comme, OK, les autres, voici les punk rockers de l'école. Les personnes qui vont être mes chums pour les 5 prochaines années, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que tout le monde se rencontre. Puis là, on est 10 ans plus tard. On est juste du monde qui se sont rencontrés justement dans une petite ville, mais qui sont restés des amis. Puis pour nous autres, c'est bien important. Puis tu vois, Vincent Larouche, notre guitariste, Vinch, lui, je l'ai rencontré à l'université, dans le fond, quand je suis arrivé à Montréal. C'était exactement la même chose. Je regardais dans mon cours, puis j'ai fait comme, il y a un punk rocker, c'est sûr que ça va être mon chum. Puis on est devenus des amis, tu sais. Et ça, c'est une question pour vous, pour toi, j'étais pour la poser un peu plus tard, mais tu te viens de la poser maintenant. Dans d'autres entrevues que j'ai lues avec l'équipe, vous parlez souvent du fait que vous venez de Rouyn-Noranda. Oui. Pourrais-tu nous parler un peu de la scène à Rouyn-Noranda? Quand on pense au punk rock au Québec, c'est pas souvent qu'on entend parler de Rouyn-Noranda, mais alors, comment elle est la scène? Ben écoute, je te dirais qu'il y a eu une époque qui est l'époque que nous autres on hype un peu là, dans le fond justement des entrevues, qui est l'époque qu'on appelle RNH ou un rendu hardcore dans les années 90. C'était pas exactement hardcore, c'était plus tout simplement une scène punk rock comme il y en avait dans les années 90, c'est-à-dire que c'était super varié. Ça passait de des groupes qui sonnaient comme Banlieue Rouge à des groupes qui sonnaient comme mettons, je sais pas moi, Assorted Jelly Beans ou whatever, des genres de groupes punk rock, un peu ska ou whatever. Il y avait un peu tous les genres de punk rock qui se faisaient. Il y avait des groupes qui étaient plus hardcore. Mais c'est qu'à cette époque-là, le punk rock était pas aussi, on dirait, divisé qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait les gens écoutent comme une brand de punk rock, une branche de style bien précis, puis ils veulent rien savoir des autres. Parce que dans ce temps-là, tu avais des influences metal, des influences hardcore, des influences ska, des influences old school punk, 77, whatever. Tout le monde pouvait jouer ensemble. Fait que c'était un peu ça la scène dans le temps à Rouyn. Je te dis, parce que justement, en même temps, t'as pas vraiment le choix, mais c'était des shows de 700-800 personnes tout le temps. Wow. Fait que c'était des gros événements. Aujourd'hui, cette scène-là n'existe plus. Il y a tout simplement des gens comme nous autres qui en sont nostalgiques parce que ça a été leur adolescence, ça a été les moments où ils ont été introduits au punk rock. Mais il y a encore une scène punk à Rouyn, je te dirais qu'il y a à peu près, tout dépendamment des shows, 75 à 100 personnes en général. Fait que c'est une petite scène punk rock, mais en même temps, t'as l'impression, en tout cas à Montréal, pour les gens qui connaissent la scène punk rock, il y a souvent des choix des places comme l'Esco sur Saint-Denis, qui est comme une place qui contient 75 à 100 personnes à peu près. Fait que ça donne le même feeling, grosso modo, tu sais, d'aller jouer à Rouyn devant le monde qui sont là. Fait que tu vas avoir autant des shows des Sainte-Catherine qui sont passés super souvent. Nous, c'est là qu'on les a rencontrés quand quand les prostituées commençaient, puis les Sainte-Catherine commençaient aussi. C'était au début des années 2000, mettons, pour 2002 à peu près. Puis sinon, tu sais, dans deux semaines à peu près, à Rouyn, il va y avoir DOA. C'est comme les légendes du punk canadien qui vont être à Rouyn. Il y a eu Vibrators deux fois à Rouyn qui ont joué, qui viennent d'Angleterre. Fait que c'est comme, tu sais, il y a tout le temps il y a quand même régulièrement des shows punk rock, autant du vieux punk rock, justement, 77, qu'il y a du punk un peu plus new school aujourd'hui. Puis il y a toujours des monde qui y vont. Fait que, puis il y a des groupes aussi qui sont là. Il y a un groupe qui s'appelle Nick à Feu, comme c'est là, qui est un des meilleurs bands punk rock pour moi, là, qui est en français aussi. Puis Nick à Feu, ça vaut vraiment, vraiment la peine de découvrir ça. Oui, Nick à Feu. Oui. On dit même dans la gang Méga Fiable parce qu'ils font partie un peu de notre étiquette, là. Pas un peu, ils font partie de l'étiquette Méga Fiable. Leur chanteur, Mathieu Bouffard, nous autres, on dit tout que c'est lui le king, compositeur de la gang, là. Ce gars-là, il compose des tonnes punk rock avec son cœur, mais c'est incroyable. Ah, non, c'est le cours de savoir, j'avais aucune idée qu'il y avait une scène comme ça à Rouyn-Noranda. Je suis originaire de l'Outaouais, puis il y avait un moment donné dans le fin des années 90 où ma petite ville de 32 000 personnes avait sa propre scène, mais 700-800 personnes, c'est impressionnant. Oh oui, c'était des gros shows. Moi, je me rappelle, à 14-15 ans, moi, je jouais dans un band, puis je faisais des shows devant 700-800 personnes. Tu sais, j'étais comme complètement impressionné, là. Je pense que les plus gros shows que j'ai faits de ma vie, je les ai faits à cet âge-là, 14-15 ans, ça n'a aucun sens quand tu penses à ça aujourd'hui, tu sais, quand ça fait justement 14 ans que je joue de la musique, tu sais. Wow. Ben, en retournant au présent, là, en parlant de l'équipe, vous avez sorti récemment un nouveau EP, déclaré forfait. Ça vient d'où le titre de l'album? Ben pour nous autres, déclarer forfait, ça veut dire arrêter une game, mais ça veut aussi dire en commencer une autre. Puis je pense qu'on a décidé, on voulait un peu comme déclarer forfait sur le passé musical, c'est-à-dire sur les groupes qu'on avait essayé de faire toute la patate, mais on voulait surtout dire au monde que pour nous autres, c'était un nouveau commencement. Puis je pense pas qu'on recommence à zéro quand on commence avec un nouveau groupe, mais je pense que faut avoir l'humilité de dire qu'on peut pas rouler non plus sur juste comme des comme une réputation qu'on aurait pu avoir acquis ou whatever. On a encore toutes nos preuves à faire, on a encore comme les mêmes, disons, pour continuer l'allégorie du sport, toutes les mêmes périodes à jouer, première période, deuxième, troisième, puis on verra à la fin si on réussit à atteindre nos objectifs ou non. Fait que je pense qu'on est encore juste en première période à essayer de faire connaître le groupe un peu. Alors, vous restez quand même beaucoup de temps, vous n'avez pas l'intention, c'est pas un album de one shot ou... Non, vraiment pas. En fait, on en a... idéalement, on aurait voulu faire un full album, mais on avait comme tout simplement pas le budget puis le temps pour le faire. Puis on voulait absolument avoir quelque chose de sorti qui serait là pour que... Puis on voulait surtout le donner aussi. Fait que voilà, mais on a déjà des tunes comme soit qui n'ont pas été enregistrées encore, qui sont plus vieilles, ou soit des nouvelles tunes pour un autre album. Là, on est en train de travailler ça. Fait que faudra juste que le temps et la vie nous permettent de le faire. Oui, ben ça, c'est une question que t'as dit, tu viens de... que vous voulez le donner, l'album. Ça, oui. J'avais trouvé ça intéressant que vous l'avez mis en ligne gratuitement. C'est pas tous les groupes qui font ça. Il y en a une couple qui le font, là. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça au juste? Ben, c'est surtout dans le fond, je dirais. Nous autres, on est passé par différentes, avec les 10 dernières années, là, 10-12 dernières années que ça fait que je joue de la musique. Mes premiers démos que j'ai sortis, c'était en cassette. Ok? C'est une époque où il y avait encore des cassettes pour vrai. Après ça, on a connu le CD, on a fait faire des CD qu'on distribuait nous autres mêmes maisons. Puis après ça, il y a eu un moment où il y avait des distributeurs. Il y avait Local Distribution Montréal qui distribuait toutes les bandes. Fait que là, t'avais un distributeur, ton disque était vendu cherchant beau, toute la patente. Le Local a fermé. Fait que là, tu fais comme, OK, là, même de la cassette a eu le temps de revenir à mode à l'intérieur de mon existence. Je suis comme un peu genre, wow, what the... Anyway. Et puis, donc, nous autres, on a fait, regarde, le CD, ça marche plus, ça se vend plus vraiment. Les cassettes, le monde les achète, mais c'est un peu pour rire, ou c'est presque, tu sais, comme ironique d'acheter une cassette. Il y a plus personne qui a vraiment un tape deck chez eux. Fait que nous autres, on a fait comme, dans le fond, ce qu'on veut vraiment, c'est que le monde vienne voir en show. Nous autres, ce qu'on veut faire le plus vraiment, c'est faire des shows. Fait qu'on s'est dit que le but, c'était de donner de la musique, que le monde découvre nos tunes, que le monde puisse les apprendre, même, parce qu'il y a beaucoup de sing-along. C'est super important pour nous, comme cet aspect-là, que tout le monde, non seulement tout le monde dans le groupe chante, mais que tout le public aussi peut chanter. Fait qu'on se dit, si on le donne gratuit, tout le monde, n'importe qui peut le downloader, si ça y tente, apprendre des chansons, puis venir en show, puis triper avec nous autres, t'sais. Oui, est-ce que ça a marché? Vous avez fait un show, si je me trompe pas, depuis que vous l'avez sorti. Est-ce que ça vient? Oui, on a joué le 20 août, c'était notre lancement. Puis déjà là, on voyait qu'il y avait du monde qui connaissait un peu les paroles, qui chantait avec nous autres. Je dirais qu'il y a même des tunes, tu vois, justement à Rouen, tu sais, qui est comme notre camp de base. Ouais. Tout le temps, il y a des tunes qu'on n'avait même pas eu le temps de sortir encore, l'équipe qui n'était même pas enregistrée, que les gens connaissaient déjà les paroles pour les avoir entendues jouer en show, tu sais. Fait que c'est comme tu dis, je pense qu'il y a des, on essaie que ça soit qu'il y ait des, on, c'est pas nécessairement voulu, on fait pas qu'il faut absolument qu'il y ait des hooks puis que tout le monde puisse chanter cette mélodie-là. On cherche pas à faire quelque chose de pop, on cherche juste à faire quelque chose qui est vrai, qui est senti, tu sais. Puis je pense que quelque part, le monde va reconnaître ça. Puis là, on a un show, on a un party d'Abitibi ce vendredi-ci, le 23 à Montréal, avec d'autres groupes comme Canaille puis Bloodshot Bill. Ça va être vraiment cool. Puis après, c'est on joue le lendemain à Rouen avec Charlie Fiasco, Brixton Robbers, puis PL Mafia. Fait que le 24 septembre, fait que là, ça va faire un autre show vraiment cool. Et là, j'ai l'impression que le monde de Rouen vont déjà avoir downloadé le EP, puis vont savoir un peu plus les tunes encore. Là. Non, faites-vous souvent des shows à l'extérieur de Québec et de Rouen? Ben, le pire, c'est que non. À date, on a fait des shows juste à Montréal, puis là, ça va être notre premier officiel à Rouen avec l'équipe. Quoi qu'on a fait des petits trucs on the side, etc. Là. Mm-hmm. À date, ça n'a pas donné, mais avec les prostitutes, on s'est tellement promené partout au Québec et même jusqu'en Ontario. On a déjà joué sur une base militaire. En Ontario, à Borden, je sais pas si c'est quelque chose, là, en tout cas. Fait qu'on avait joué là-bas, c'est une drôle d'expérience. Fait que ça pour dire qu'on attend juste d'avoir des offres pour pouvoir se promener un peu en dehors, là, parce que pour nous, c'est comme super important, là, de pas être montréalo-centriste, là, comme on dit, là. C'est comme nous autres, Montréal, c'est bien cool, mais pour nous, il y a du monde qui aime le punk rock partout, fait qu'on va leur joindre le monde ce qu'on peut. Avez-vous été bien reçu à Borden? À Borden, plus ou moins, c'était cool là. Il y avait en fait finalement le plus drôle, c'est qu'on jouait là pour un show de la Saint-Jean. Puis on avait été présenté, on avait été vendu comme un band de cover, tu sais. Fait qu'on arrive là, puis le gars qui est le promoteur, il dit « Hey guys, so what kind of covers you guys playing tonight? » Puis nous autres, on est comme « Ben, on joue pas vraiment de cover. » « They told me you're a cover band. » On est comme désolé, on joue nos compositions, on a des covers, genre Beach Boys ou whatever. Mais le gars, il comprenait pas trop. Fait que finalement, il y avait à peu près 10 personnes dans la salle. Et sur les 10 personnes, on était super chanceux. Il y en avait 3 qui venaient d'Abitibi. Puis, fait qu'on a, ils ont comme créé un lien avec nous autres, sachant qu'on venait tous de la même région, puis ils sont mis à danser. Puis, fait qu'il y a eu de la danse sur la base militaire. Je pense que c'est presque une réussite. Et le feriez-vous un jour? Ben là, tu viens nous dire que les prostituées, vous êtes en pause. Oui. Mais le considérez-vous de faire un jour un show, les prostituées, bonne journée, et les sprats et l'équipe? Ah, ben ça serait sûrement le top. Puis probablement, en fait, sans vendre de la mèche, que c'est peut-être ce qui va arriver. Peut-être pas bonne journée, parce que vraiment, il faudrait qu'ils pratiquent. Leur drummer, il est super occupé, là. Ben, il joue avec Jésus les filles, le monde dans le feu, puis il joue dans Jambes aussi, justement, le nouveau projet. Oui. En tout cas, mais je te dirais que on aimerait ça au Noël méga fiable, qui est un événement qu'on fait une fois par année dans le temps de Noël à Rouen. Il risque d'avoir l'équipe, les putes, et puis probablement les sprats. Fait que pourquoi pas des tunes de bonne journée au travers de ça, ça se pourrait très bien. On a déjà fait un show acoustique où on jouait, on était toute la gang on stage, puis on jouait les tunes de tout le monde acoustique. Oh wow. Fait que de toutes les bandes, fait que c'était comme un gros mélange de toutes les bandes, y compris Nekafeu, puis Déjà Vu aussi, qui sont plus punk rock, Ramones, Misfits. Mm-hmm. Fait que non, ça avait donné un super bel événement. Alors, mais les prostituées sont pas. Êtes-vous officiellement fini ou vous êtes juste en pause? Avez-vous l'intention de. Oh, c'est juste une pause, ouais. Parce qu'en fait, on était tanné de jouer les mêmes accords de rock'n'roll tout le temps. Parce que le rock'n'roll, c'est pas super compliqué, là. Mm-hmm. Les accords 1, 4, 5, puis des mélodies qui se ressemblent un peu. Puis surtout, moi, je me suis tanné un petit peu de tout ça. Puis on a été associé pendant un bon bout à une certaine scène rockabilly à Montréal qui n'existe mm-hmm. plus vraiment aujourd'hui. Puis on n'avait pas nécessairement le goût d'être associé à cette scène-là tant que ça. Non pas qu'on n'aime pas ça, au contraire, on a bien aimé ça, mais on n'a jamais fait du rockabilly vraiment. On faisait du rock'n'roll, mm-hmm. du punk rock mélangé avec des influences garage, des influences rockabilly, toutes sortes d'affaires. Puis le fait qu'on ait été associé à ça, puis que là, ça soit comme plus en mode, on a fait comme, on veut comme pas être associé à tout ce, mm-hmm. ce truc-là. Fait que peut-être quand ça va être un petit peu plus loin dans la mémoire des gens, on pourra venir faire revenir, recommencer. Mais tu sais, je dirais que quand on fait des jams de l'équipe, une fois de temps en temps, on sort des vieilles tunes, des prostituées pour les jouer pour le fun, puis on tripe vraiment à le faire. Là. Fait que je pense que c'est à quelque part, c'est qu'un groupe, quand ça fait 10 ans que tu joues les mêmes tunes, ou presque, t'en composes toujours des nouvelles, mais que tu joues un peu le même show, puis de la patente, de mon année, tu te tannes, puis là, je pense que c'est comme on avait besoin de petits breaks, de se rafraîchir un peu, puis de jouer quelque chose de nouveau. Fait que les prostituées, je pense que c'est un peu comme les sprats. Les sprats ont eu un long hiatus où il se passait rien, puis sont revenus en force, puis ça a été super bien. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de projet qui va revivre en temps et lieu. Ok, alors j'ai une question un peu qui sort de l'ordinaire. Si vous avez la chance d'enregistrer, disons que l'équipe a la chance d'enregistrer un 7 pouces, un split avec n'importe qui, mort, vivant, groupe, artiste, tu le ferais avec qui? Si c'était l'équipe qui pouvait faire ça, ça serait, écoute, soit avec un band de Mike ou Tim Kinsella, là, qui sont comme... notamment avec American Football, Cap and Jazz, puis tous ces genres de bandes-là des années 90. Ou sinon, le groupe qui ferait l'unanimité dans l'équipe, c'est Reviver, qui est notre groupe punk rock actuel préféré. Là. Mais je pense que même on est comme pas assez punk pour Reviver. Là. Les autres sont comme trop à gauche puis trop comme radical dans leur choix politique. Mais nous autres, on tripe sur leur musique comme ça, pas d'allure. Là. Fait que je pense que Reviver serait vraiment le band avec qui on voudrait faire un split. Alors, vous êtes la politique, c'est pas le but principal de l'équipe? Non, c'est ça. Ben, j'aimerais ça. En fait, il y a des messages un peu politiques ou peut-être plus sociaux ou individuels, peu importe. Mais tu sais, il y a des messages et des réflexions, mais qui sont un peu comme entre les lignes dans les textes. Mais Reviver, c'est ça. Ils sont très, très politiques. Fait que nous, on veut pas nécessairement devenir un band politique. Fait que voilà. OK, les plans futurs pour l'équipe, t'as dit que vous avez une couple de chansons que vous avez pas enregistrées, vous avez l'intention de... Oui, ben on aimerait ça, en tout cas, réussir à les enregistrer. Probablement que cet hiver, ça peut être plausible de réussir à enregistrer ça, puis sinon, écoute, en attendant, on veut jouer le plus possible. Fait que, justement, on a quelques shows cet automne, là, on joue 23 septembre à Montréal, 24 septembre à Rouen, après ça, on joue le 4 novembre au soir à l'ESCO à Montréal. On fait le Grand Chelem Méga Fiable volume 2, fait que c'est tout des bandes de Méga Fiable qui vont être là. Je vais peut-être même présenter un nouveau band qui s'appelle D-Mercer, qui est comme plus comme crust punk bizarre. On va voir, ça se pourrait, là. On est en train de regarder ça. Puis après ça, on a un Noël, le 10e Noël méga fiable, le 27 décembre à Rouen. Fait qu'on est tout en train de planifier ces affaires-là. Puis idéalement, un autre recording peut-être à l'hiver, sortir ça au printemps, ce serait le best. OK, super. Ben, c'est-tu les questions que j'avais? T'as-tu un dernier mot à dire? Ben écoute, j'espère qu'il y a du monde qui ont été intéressés par nos propos, mais vraiment, je n'ouvre pas pour downloader le EP de l'équipe, c'est sur Bandcamp, l'équipe déclarée forfait. Puis je pense que tout le monde peut trouver son compte, puis tout le monde peut venir chanter avec nous autres. Et super, ben merci beaucoup. Ben, merci à toi. De nous avoir parlé, puis je vais continuer avec une chanson de déclarée forfait, pourquoi pas Passe ma cœur. Nice, merci. OK, ben merci beaucoup, puis prends soin de toi. OK, à plus. Ouais. Écoutez toujours Sous Pression. Je veux remercier Félix de nous avoir parlé. J'espère que c'était une excellente entrevue. Le EP de l'équipe est excellent. Déclaré forfait, je vous recommande fortement. Comme il dit, c'est disponible gratuitement en ligne. Vous pouvez télécharger ça. Alors, je vous suggère fortement. Allez-y, faites une petite recherche sur le site Bandcamp de l'équipe. C'est Bandcamp, le nom de l'EP, c'est déclaré forfait. Allez voir ça, téléchargez ça. Et si vous êtes dans une ville où le groupe va jouer, allez les voir parce que je suis certain que là, ils font un excellent show. Alors, je remercie encore Félix de nous avoir parlé. On vient d'écouter la chanson Passe ma cœur, comme je mentionnais, de l'équipe. Mais je vais faire un petit retour avant de continuer les chansons qu'on a écoutées au début de l'émission. On a commencé avec du Zebriski Point, la chanson Écolore et Délavé, les prostituées après ça. pour vous mettre un peu dans le mood de l'entrevue, je suis un teenage zombie de Louder Space Baby. Marmotte Pletier avec Caroline et bonne journée avec 80% sourd de leur album. Vous souhaite une. Alors, je continue maintenant en musique. Ce vendredi, le 23 septembre, le groupe Les Breastfeeders sera à Toronto, au Garrison, sur la rue Dundas West. C'était 10h, ça commence tard, mais je vais faire jouer une chanson de leur plus récent album, Dans la gueule des jours. La chanson s'appelle Le soleil se meurt à l'ouest. Alors voici Les Breastfeeders sous pression. Je pars tant que je reste, mais que je pars tant que je reste le soleil. Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 à Yellowknife. Et ouah, je prends la liste des chansons qu'on vient d'écouter. Ouais, c'est ça, vous écoutez toujours Sous Pression. Dans le dernier bloc, on a écouté l'équipe, après l'entrevue avec Félix, la chanson Passe ma cœur, les Breastfeeders après ça avec le soleil se marre à l'ouest. Une autre chanson par l'équipe normale, et on vient d'écouter Les Parias et Toi mon pote de leur album La Nuit des Lombiers. Alors, il nous reste 10 minutes plus ou moins ensemble, je vais faire jouer une couple d'autres chansons. Et mais avant de faire ça, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site web de l'émission, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez télécharger l'émission gratuitement à partir du site web. On est aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/souspression. Alors allez sur Facebook, et si vous êtes sur Facebook, et aimez la page de l'émission. Et je vais aussi mettre l'information concernant le lien vers le site Bandcamp de l'équipe où vous pouvez trouver leur album Déclaré Forfait gratuitement en ligne. Alors, et un dernier rappel, la première fois que je vous rappelle, la période de financement de CHRY approche alors du 12 au 22 octobre. Alors si vous êtes commencé à ramasser vos sous, retournez vos bouteilles vides pour ramasser vos sous, checker en dessous du sofa pour une coupe de scène noire. Chaque scène, chaque dollar aide à la station de continuer, et on compte sur vous, la communauté. Alors je continue en musique maintenant avec une chanson par... Qu'est-ce que j'ai préparé là? Par Salvation City Rockers, la chanson Babylon Eye. Alors voici Salvation City Rockers à Sous Pression. We'll be right back. Salut, vous écoutez toujours sous pression en zone de CHRY 105.5 FM, CVR 103.5 et Yellow Knife. Je vous laisse une dernière chanson par Jeunesse et Patrid et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même station de radio, ce sera super. Un dernier merci à Félix de l'équipe de nous avoir parlé. Voici Jeunesse et Patrid à sous pression. Dirigé par une compagnie, ils discutent d'économie en sécurité dans l'eau.